Numéro 15. Qu'est-ce que c'est? Nandesuka? Kore wa nandesuka? Que se passe-t-il? Dou shimashita ka? Où es-tu? Doko desu ka? Où êtes-vous? Doko desu ka? Où est-ce? Doko desu ka? Où vas-tu? Doko ni ikimasu ka? Où allez-vous? Doko ni ikimasu ka? D'où viens-tu? Doko kara kimashita ka? D'où venez-vous? Doko kara kimashita ka?